Ferré Gola Chetani, boîte noire, à très bientôt. Ferré Gola Chetani! Tout retourne à 1789. Faut sentir. Aposté toi. Qui t'a tous les cas. C'est vrai ça. Papi kake. Na luki luki on a mis au bowling on a monioté. Na zoata kulima hihi. Na patrouille n'éclairé peut-être qu'il na zilou par hasard non non. Papi kake. Na luki luki on a mis au bowling on a monioté. Na zoata kulima hihi. Na patrouille n'éclairé peut-être qu'il na zilou par hasard non non. Les mains sur la tête et les larmes au ciel. Par terre comme à la guerre qu'il y en a qu'il s'est bolingué. Tu m'as laissé comme un tout petit poussé. Au milieu de ces pervers, il y en a comme un panne sous ces ibekena. Nanga Afraga de liamou, la maison des sacs n'a qu'un aïe. Simple rimer y'a pas ma, au tourné n'a les dos. Y'a pas que tu es ma faiblesse, lui détache qui est en détresse. Et pas non à soi qui adresse, ta lana commis et c'est. C'est rimousa mon yokoli trompé en anzo toi. N'a beau s'exposer mour à l'amour en plein air. Sue na bangwe sala ki gola halona mana sengwe parnenga. Nazala sove, nazana ngai no samowe. Fote na ngai te yala mulu matia satalia. Tango na mona ki pasi. Ya kwali mate mota bolingwe nya bokete mwe. Na riska na kwena babute ya bakulune. Na meni binote bato bosala ki komanda soup. Na table na tresa ki se kuver moko alo evera na nga. Bosongi sela nga brino matadi. Boiba na bino porte moneho. Bo retro setele nga cheri golao. Bodo non abino na grimoire. Richard Lofumo Rambo Showbiz Arnold Matiki Flo Boys. Bosong iselanga Edo Sonsae. Boi banabino porte moneo. Bo retro setele ma foudre nanga. Bodo non abino na Patrick Moussamba, le maximum. Na sole la wa, na suisse na yibote na mikilite. Na kufeli no kote, baba kulinga nde bolingo na victoire. Na ikombo uta mofila na komiki sasa kakale lo wa. Baki na wafungoli na miso. Receiver kidi baso mona trenge baso iba lola ngwe. Babeti nga dodo afrema bato shone nga bolingo na victoire. Osongi sela nga Hervé Mwanzao. Boi banabino porte moneo. Bo retrocedele nga jomo dango. Boi banabino grimoire. Na jirai kina kobalate soki osongite. Tonde yano la ngai, mosafila ngai pesano. Nevoke des, mabela yebisi ngai. Amster lange zaya purko solo libongo. Ezota mundele, Eva la del mbala. Bobo boko le termometre. Jimmy Bofosa Francis Lutumba eh. Akustiko yo, Magloire Pandaye eh. Berado Prince de Zamunda Tala Teni Junior Aziz. Musuni afreshe zalaganzo galengi boye Otika nga na buku dati na mukuwa Ateka nga mina lineta libi noteo Nitamate vimeza ya ngai Lole mwate katoneza ya ngai Litamate vimeza ya ngai Mama itaro ngai Sasaro ngai Ita ehe Sasa ehe Itaro ngai Tikangana ni amu ni amu tiye kosila o Shama sunda sala kaya lengi boye Junior Rosier Ver Gimme show a sala kaka boye Shipe minya sala kaka boye o Miss Tula Shabari kikona sala kaya kaka boye Tikangana ni amu ni amu tina mokuwa Na ya gata ni zaya ngai Ata ye kata ni zaya ngai moko Soge zaya ngai Hitaro ngai Sasa ee Sasa oo Basasi ya ee Sasa oo MCS Balondo Arnold Mukendi Les Panamera chez Gigi Palmi Chabani record salaka elengi boye Michel Adilouya salaka elengi boye Leo Manaja Adolungu André Kazai Lokoki de Bundes Botsi kangana nyamu nyamu tina mukuwe Ate kangami na lile talipina teo Litamate vimeza ya ngai Lole mwate kataneza ya ngai Mama itano ngai Mama sasano ngai Mama itano ngai Nasana ngai ya mubesue Koto ebelite Sirtu na lopele Sirtu na lopele Thierry Mukunai Li solo ya akustiko yo Sadir fuiza la gawa boye Nenge bachuba lati kitoko boye Nenge ba mamaye kitoko bazali Boye ndeza la gawa Boye ndeza la gelengi Olivier Chimanga Mulubo ya mwindo Yoka nenga kulila na gitaro O susi ya parite kwa imba kana parite Siwana Poti mba waka Tosa la bumi Kwa mbeki mba waka Mbeki mba waka Mbeki mba waka